drame. Surtout ne te mets pas à pleurer. Si t'es le premier, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Depuis le mois dernier, tous les soirs on dansait. Regarde ce collier qu'il m'a donné. Et puis hier il m'a dit qu'il partait à Paris, qu'il ne reviendrait peut-être jamais. La fin d'un amour n'est pas un drame, oh non. Surtout ne te mets pas à pleurer, yeah, yeah. C'était le premier, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Jimmy me plaît beaucoup, il a des yeux si doux. Mon cœur tout de suite s'est emballé. On s'aimait comme des fous, pensant rien dire du tout. Il est parti sans moi pour Saint-Tropez. Pas un drame, oh non. Surtout ne te mets pas à pleurer, yeah, yeah. C'était le second, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Dam, dam, dam, dam. Écoutez-moi vous deux, cette fois c'est sérieux. Jacques est pour moi bien plus qu'un amoureux. Je n'ai qu'une solution, s'il m'aime pour de bon, je pars avec lui pour toute la vie. C'est le grand amour, fini les drames, oui, oui. Et je n'ai plus envie de pleurer, yeah, yeah. Il ne me fait plus verser de larmes. Je me suis choisi un gentil cavalier. J'ai choisi un gentil cavalier. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Bonjour à tous et à vous toutes, voilà, il est 13h33, le retour de l'émission du mardi après-midi. Et bien donc un petit bonjour aussi à Lolo, à Lionel, pour son émission de ce matin, que vous avez pu entendre, tout simplement écouter, entre 9h jusqu'à midi, et que vous allez le retrouver la semaine prochaine. Et puis donc, cet après-midi, on a écouté beaucoup de chansons différentes. Et puis, les chansons qu'on a bien entendues, et puis on n'entend pas beaucoup. Donc, eh bien, cet après-midi, on va les réécouter. Ça va faire un bon souvenir. Et bien donc, je vous souhaite de passer un bon après-midi à l'écoute d'Arc-en-Ciel avec les chansons Souvenirs. Eh bien, on va débuter tout simplement, on va continuer les chansons. Voici donc Karen Cheryl, tout simplement. Et puis, juste après, Michel Thor, et puis l'accompagnant avec la compagnie créole. It Radio Arc-en-Ciel. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans

Ciel. Et voici donc Laurent Voulzy, suivi tout simplement Véronique Sanson et puis ainsi Catherine Laure. Et puis après, juste après, il y aura tout simplement, eh bien, Bézu.

Deus pode criar. Aí é saudade e a esperança de um dia voltar para ça. Arc-en-ciel. Avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. On continue avec les chansons et voici donc Alain Barrière. Des bouquets de muguet. Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai, j'irai cueillir pour toi le plus bel arc-en-ciel. Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil, Cathy, si tu croyais au moins en ma folie, j'allumerai pour toi les grands feux de ta vie. Cathy, si tu croyais au moins en notre amour, j'allumerai pour toi le grand feu tous les jours. Pourquoi t'appelais-je Cathy, toi que ce jour-là je vis dans ta belle robe d'argandi. Pourquoi, mais pourquoi depuis je te pleure, ma Cathy. Je garderai pour toi mes plus jolis sonnets, Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai. J'irai écrire là-haut notre amour dans le ciel, Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil. J'allumerai pour toi le grand feu tous les jours. Cathy, Cathy, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes. La pluie, y a pas d'Amsterdam jusqu'au pont d'Avignon, il y a au moins 2 millions de chansons engagées, tourmentées, profondes ou défendues. Il y a quelqu'un qui les chante. Il y a pas de chansons pareilles, les plus belles sont. Comme un mot malentendu, engagé, tourmenté, profond ou défendu, il y a quelqu'un de sous-entendu, une histoire de papier, un souvenir ému, et quelqu'un qui le chante. Et s'en va couper les gens. tous, Musique Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Tout simplement, c'est Michel Berger, suivi de Rika Zaraï, mais on écoutera avant, tout simplement, eh bien, des chansons que vous aimez tous et tous, avec Stone, il y aura aussi Marcel Amon, puis d'autres chansons. Voir de ses origines, son histoire. Sans chemise, sans pantalon.

simplement je te dis que je t'aime. Il s'appelle David Martial et juste après le groupe Licence 4. Puis après, il y aura le duo avec Ringo et Sheila, tout simplement. Tout là c'est la vie, puisque je l'aime à la folie, et qu'elle est belle comme la vie. C'est lui-même, on m'avait dit tu verras qui c'est lui-même, bientôt tu en auras plus qu'à c'est lui-même, tes sous elle va les dépenser, c'est lui-même. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché, ça ne l'a pas empêché de se laisser éviter. Et quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé, on ne pouvait plus s'arrêter, toute la musique a cessé. C'est l'hymen, on passe nos journées à s'embrasser. C'est l'hymen, l'amour elle n'en a jamais assez. C'est l'hymen, après on s'endort tout enlacé. C'est l'hymen. Petit accordéon. Et puis juste après, ça sera François Feldman.

Arc-en-Ciel. Écoute, eh bien, bienvenue à l'écoute la radio Ton Couleur Arc-en-Ciel. Et puis je vous laisse avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les chansons portugaises. Et puis juste après, Jim Manson. Meu amor, abraça o sentimento. Yeah.

très loin dans la rue Alphonse Karr, année 1900, chaussettes noires, il repeignait le gris en blanc, il habitait chez ses parents. Ses copains l'appelaient Penny, à croire qu'on peut changer de vie. Je voudrais bien twister le passé pour un instant le retrouver. Nous étions frères de tant de choses, mais 68 c'était pas rose. On était tous dans le même taxi, on y croyait fort à la vie. On se partageait les mêmes copines. Qu'est-ce qu'on a fait pleurer Aline? Sur tes conseils j'ai fait chanteur, ça rime souvent avec boxeur. Penny, Penny, Penny. La vie se prolonge comme une histoire et chaque nuit tu viens me voir. Si l'on meurt le temps d'une chanson, toi tu m'attends à l'horizon. C'est quelque part dans le brouillard, changement de décor, changement de vie. T'as voulu voir si le soleil brillait plus fort loin de Paris. On s'écrivait de temps en temps, on se comprenait plus, mais pourtant à nos côtés, sauf un soir à me payer. Penny, Penny. Dans le scénario de notre histoire, t'as toujours eu le second rôle. Et pourquoi tu me pousses à chanter? Je sens tes mains sur le clavier. Allez, joue! Dans le scénario de mon histoire, si j'ai un jour le premier rôle, entends bien, Penny, Penny, Penny. C'est que je suis mort à Montpellier et que ce soir tu te mets à chanter. Jolie poupée, tu me fais rêver. fleur exotique dans les sapins. Mon oiseau de la Martinique qui a fait son nid. Comme en bikini, je danse sur la bikini. Je bois du punch, ça me donne du punch. Passe-moi le poivre et la cannelle, c'est bon, c'est fou. Ça va faire des étincelles dans les bambous. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon dos de poupée. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser. Oh, un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ses règles. Ils me disent de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer. Partenaire Arc-en-ciel. Voici les programmes pour ce soir et demain. Donc ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis juste après un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Demain son mercredi à partir de 9h jusqu'à midi, ce sera Victor. Et puis en soirée, entre 18h jusqu'à 19h30 avec Violette. Et ainsi pour le jeudi matin, entre 9h jusqu'à midi avec Amer Giraud. Et puis en soirée, entre 18h et 20h avec Chantal. Donc on continue avec toutes sortes de chansons et elle s'appelle Régine et puis juste après le groupe Blue Mercedes et bien ainsi Franck Michael. Quand vient le mardi,

arc-en-ciel.iota@gmail.com. On compte sur toi et les tiens. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Dossau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Miguel Arruda a roubar malas foram mesmo geradas por inteligência artificial, como ele diz. E foram? Hã? Tô? Ah, os peritos ainda não chegaram a nenhuma conclusão, porque continuam a analisar as imagens dos Zé Milhazes mascarado de algodão doce no programa A Máscara. Não acreditam que possa mesmo ter acontecido. Pois realmente é mais insólito, é. E que mais? Eu tive a oportunidade de avisar o CEO da OpenAI de que existem ácaros chineses que podem raptar o chat GPT e obrigá-lo a dar respostas erradas para o desvalorizar. Ah, está bem visto. Mas os especialistas quiseram deixar uma nota de otimismo quando perguntaram ao chat GPT se o BES está sólido. E o que é que respondeu? Ouçam vocês, chat GPT, o BES está sólido? Sim, o BES está sólido. Repito, o BES está sólido. Muito bem, e com esta mensagem de confiança nos despedimos por hoje. Voltamos amanhã, se o Trump quiser. O Portugal X com o António Machado e o Manuel Marques de saída. Marcamos encontro com eles para amanhã no Melhor de Portugal por esta hora. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Esperei por ti, nem liguei mais, não doeu mais. Até já me esqueci da dor que eu senti por tu não estás aqui. Tentei falar, buscar por ti, só encontrei o teu silêncio. Iludi, me dei demais, não te ganhei, só me perdi. Quem não cuidou perdeu. sol em paz. Todo mambo tem seu fim. O nosso já deu bom, agora é só mais um. Tentei falar, buscar por ti, só encontrar.